إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui la partie numéro 3 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara'a fil Kitabi wa Sunnah. Et on est arrivé donc dans la deuxième partie de cette introduction. Il y a quatre points d'introduction et on est arrivé au deuxième point, au dernier cours. Et on a expliqué dans ce deuxième point qu'il y a des nouvelles armées qui combattent cette da'wa, la da'wa salafiyya, hein, et comment les gens de bid'ah, les gens d'égarement se sont mis ensemble, les kuffar et les mubtadi'ah, hein, les chrétiens et les juifs, et les soufiyya et les rafidah, et les modernistes et les libéralistes se sont mis ensemble après le 11 septembre pour essayer de salir l'image de cette da'wa salafiyya et pour opposer cette da'wa salafiyya et pour l'accuser de ce dont elle est innocente. Et là où on était arrivé la dernière fois, on a expliqué que il y a eu des accusations qui ont été lancées de la part de ces gens-là et on allait citer justement une parole du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, tiré de son livre Majmou' al-Fawa'id wa Iqtinas al-Awabid, le point 111 dans ce livre, où on a posé la question au Cheikh Abdurrahman al-Sa'di au sujet des ulama du Najd, des ulama de la da'wa salafiyya dans la région du Najd à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et après, et ceux qui sont venus après. Quelle est notre obligation envers eux? Quelle est notre obligation dans le comportement qu'on doit avoir envers eux? Alors le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di il a répondu: Sa'alahu sa'ilun min ahli al-ilm mal wajib alayya sulukahu ma'a ulama'i Najd faqal اعلم يا أخي أن الواجب عليك موالاة جميع علماء نجد ومحبتهم والتقرب إلى الله بذلك وأن تميزهم عن جميع المؤمنين لما خصهم الله به من العلم والإيمان والتعليم والدعوة والقيام بفروض كفايات نابوا فيها عن جميع المؤمنين وهي كثيرة جدا وأن تجعل هذه الفواضل والفضائل نصب عينيك وتعلم مع ذلك أنهم كسائر الناس بشر يجري منهم ما يجري من البشر فاجعل ما يبلغك مما ينتقد عليهم إن صح ذلك وأكثره غير صحيح اجعل ذلك مقابلا لما لهم من المحاسن والفضائل تجد ذلك مضمحلا وجاهد نفسك إن وجدت في نفسك على أحد منهم موجدة أن تداويها بالمحبة والثناء والدعاء تقربا إلى الله وقياما بالواجب وارتقاء إلى الكمال الممكن. واعلم أنهم ولله الحمد كلهم على المذهب السلفي متفقون على إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات الله جل جلاله من غير استثناء على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه ونفي ما نفاه الله ورسوله من النقص والكفو والند والتمثيل. ومتفقون أيضا على الدعوة إلى الشهادتين التوحيد الخالص والاتباع الخالص. وإذا فرض خطأ واحد منهم في بعض المسائل وهو معتقد هذا الأصل فخطأه قد غفره الله وتجاوز عنه بعد الاجتهاد وهو المظنون بل هو المعلوم من حالهم فإنهم يعتقدون ما ذكرنا من صميم قلوبهم ويدعون إليه ويقررونه وينكرون على جميع المعطلين النفات كما ينكرون على المعطلين للتوحيد الألوهية أو التوحيد المعطلين لتوحيد الإلهية والعبادة. وهم كلهم متفقون على أن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله من أي مخلوق يكون فهو مشرك كافر لأن هذا حد الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. On va expliquer jusqu'ici. Donc le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il répond, il dit: sache, ô mon frère, que l'obligation pour toi vis-à-vis de ces ulama du Najd, c'est que tu dois t'allier avec eux et les aimer et te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par leur amour. Te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour que tu as envers eux. Et que tu dois avoir cet amour-là de façon particulière et distinguée, qu'ils doivent avoir, tu dois avoir envers eux un amour qui est particulier et distingué de l'amour que tu as pour le reste des musulmans et du reste des croyants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la science et la foi et l'enseignement et la da'wa et le fait qu'ils ont établi des obligations de la sharia que seuls eux ont mis en application, qui font partie des obligations qui font partie des obligations qu'on appelle les kifayat, c'est-à-dire les choses qui sont obligatoires jusqu'à ce qu'une partie suffisante de la umma les ait appliquées, puis que si une partie suffisante des musulmans l'ont appliquée, alors elles ne sont plus obligatoires pour le reste. Donc eux, ils ont établi cette obligation qui était obligatoire pour une partie de la Ummah. C'est eux qui l'ont mis en application, cette obligation-là. Et qui fait en sorte que le reste des musulmans n'ont plus cette obligation-là. Et donc ça, c'est une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné parmi les hommes de science. Et donc, à cause de tout ça, ils ont droit, de notre part, à un amour particulier. Donc, au-dessus de tous les autres croyants. Et bien entendu, les choses qu'ils ont fait pour l'islam et pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'exemple de l'enseignement, l'exemple de la science que Allah leur a donnée et la foi qu'ils avaient, et l'application des obligations qu'ils ont eues. Tout ça sont des choses parmi les nombreuses choses qui font que ces gens-là ont sur nous des mérites et des grâces. Donc si tu veux savoir quels droits ils ont sur toi, eh bien place ces choses-là devant tes yeux et regarde la situation et tu verras qu'ils ont sur toi donc cette obligation-là de ta part, que tu les aimes et que tu les prennes pour alliés et que tu les défendes. Et tu sauras également qu'ils sont malgré tout ça comme le reste des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont des êtres humains et qu'il peut se produire de leur part ce qui peut se produire de la part du reste des êtres humains. C'est-à-dire, ils peuvent faire des erreurs comme tous les autres êtres humains, les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, eux qui sont infaillibles dans la transmission de la révélation, tandis que eux sont des êtres humains qui ne sont pas des prophètes, et donc ils peuvent se tromper. Et donc, place ça devant tes yeux. Et Yani, regarde tout ce que les gens peuvent ramener comme critique contre eux et regarde si c'est vrai. Et la plupart de ce qui est dit contre eux à leur sujet, hein, des critiques qui sont faites contre eux, la plupart c'est des choses qui sont incorrectes, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont fausses, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas réelles. Donc prends ce qui est ramené et ce qui est rapporté contre eux, ramène les critiques qui sont faites contre eux qui sont correctes et qui sont vraies, les choses dont on les critique, et place-le en opposition avec toutes les bonnes choses qu'ils ont, toutes les qualités qu'ils ont, tous les mérites qu'ils ont. Et tu verras que les erreurs qu'ils ont, eh bien, sont éliminées complètement par ces bonnes œuvres qu'ils ont faites et par ces bonnes choses qu'ils ont ramenées pour la Ummah. Et il dit, lutte par toi-même. Il dit, lutte en toi-même. Et fais des efforts avec ta personne pour essayer de trouver en toi-même du bien et des éloges pour eux et de l'amour pour eux. Force-toi à les aimer, force-toi à faire des éloges pour eux et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Lorsque tu trouves en toi-même quelque chose contre eux dans ton cœur, si tu trouves quelque chose dans ton cœur que tu n'aimes pas contre eux, eh bien, fais des efforts pour essayer de repousser ces choses-là. Et fais des éloges, fais leurs éloges. Et force-toi à les aimer, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et essaie donc de t'élever au plus haut niveau de la perfection possible en faisant ce qui est obligatoire pour toi. Et sache que, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient tous sur la voie salafi, sur le madhhab des salaf. Et le cheikh, il le dit comme ça, il dit « Kulluhum ala al-madhhab al-salafi ». C'est-à-dire, ils étaient tous des salafis. Tous les ulama du Najd, depuis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, tous ceux qui sont venus après lui parmi ses élèves et ses descendants, ils étaient tous des salafis, sur la aqidah des salaf. Et ils étaient tous d'accord sur le fait d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut, et d'affirmer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala comme attribut également. Donc ils affirment pour Allah ce que Allah s'est affirmé lui-même comme attribut et comme nom, et ils affirment également ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala comme attribut et comme nom, sans exception, et de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa grandeur et à sa majesté. Et ils sont d'accord également pour nier tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié pour lui-même comme défaillance ou comme faiblesse ou comme imperfection ou comme nid, comme le fait d'avoir un nid, un égal, ou d'avoir un semblant ou une ressemblance quelconque. Donc ils ont nié ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié de ces choses-là. Et ils ont nié également ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié au sujet d'Allah de ces choses qu'on a mentionnées, comme les défaillances ou les faiblesses ou les imperfections, ou d'avoir une comparaison ou un égal ou une ressemblance parmi la création. Et ils sont tous d'accord pour le fait qu'on doit appeler La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, les deux témoignages de la foi, et qu'on doit appeler au tawhid pur et à suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont tous d'accord sur ces fondements là donc si jamais on trouve chez eux une erreur dans une de ces questions qu'on a parlé, eh bien cette erreur là leur sera pardonnée et on va passer par dessus après qu'on ait su que c'est une erreur qu'ils ont fait par ijtihad. Ça, c'est ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on sait également de leur état. Parce que ce sont des gens qui croient en tout ce qu'on a mentionné du plus profond de leur cœur. Et qu'ils invitent et ils appellent les gens à ces principes-là et à ces croyances-là, qui est la croyance des salafs. Et ils dénoncent et condamnent toutes les négations des gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils nient les attributs d'Allah, et quand il déforme le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il condamne ça et il réfute ces gens-là. Et ils affirment également le tawhid dans l'adoration, hein, tawhid al-ibada. Et ils sont tous d'accord sur le fait que quiconque offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration à une créature quelconque, eh bien celui-là il est un mushrik et un kafir, parce qu'il a commis un acte de shirk majeur qui fait sortir des limites de l'islam. Donc tous ces imams étaient d'accord avec ces principes et ces fondements qui sont les fondements de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a et des salaf salih. Donc s'ils ont fait une erreur dans quelque chose, eh bien ils sont excusés, hein, puisque ce sont des ulama mujtahidoun, et qu'ils ont fait des erreurs dans des questions, et qu'ils auraient fait des erreurs dans des questions là, alors dans certaines questions, alors qu'on sait que ce sont des ulama qui sont sur la voie des salaf salih. Ce sont pas des jeunes bid'ah, ce sont pas des mubtadi'ah, hein, ou des gens qui suivent une voie autre que la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce sont des ulama qui suivent la voie des salaf salih et qui suivent la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, et qui ont montré leur sincérité dans cette voie et dans cette aqidah à travers leurs écrits, à travers leur da'wah, à travers le travail qu'ils ont fait, à travers leur vie. Et donc on peut savoir que s'ils font une erreur dans quelque chose, eh bien qu'ils sont excusés et pardonnés pour cette erreur là contrairement aux gens qui ont défendu la bid'ah, hein, et qui ont suivi une voie d'innovation et d'égarement, et que c'est ça leur règle et leur base, hein. Alors ceux-là c'est des gens qui suivent leur passion, et on a la preuve qu'ils suivent leur passion parce qu'ils suivent une voie d'égarement dans la plupart de ce qu'ils suivent de la religion, tandis que c'est pas le cas de ces grands imams et de ces grands ulama qui ont établi leur aqidah sur les fondements de la sunna et sur les bases de la aqidah du tawhid, hein. Donc il ne faut pas confondre entre deux choses qui sont totalement différentes. Après le Cheikh dit: فَإِذَا عَرَفْتَ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ عَنْهُمْ وَإِنْ شَكَكْتَ فِي ذَلِكَ فَاسْأَلَ الْعَارِفِينَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هَوَى وَلَا أَغْرَادَ عرفت أن الواجب عليهم تمييزهم بالموالاة والمحبة والثناء ونشر فضائلهم وقمع من تعرض لهم ونصيحة من يظن بهم خلاف ما ذكرناه واجعل هذا طريقك الذي تسلكه فإنه الطريق المستقيم الموافق للكتاب والسنة ولقواعد الشريعة وأصولها ثم إياك يا أخي أن تسمع بأحد منهم قدحا أو انتقادا إلا رددته ونصحت المعترضين وبينت له مقاماتهم العالية ولا يغرنك ترك أكثر الناس لمراعاة هذا الحق الذي هو آكد حقوق المسلمين وبه يحصل للعبد من الخير والثواب ويحصل به من المصالح الخاصة والعامة شيء كثير. Donc il termine la réponse en disant que si tu sais donc tout ce qu'on a mentionné à leur sujet, et que tu as des doutes à ce sujet-là, eh bien demande à ceux qui savent, hein, parmi ceux qui ne sont pas pris par la passion ni par les intérêts, et tu sauras que l'obligation qu'on a envers eux, c'est d'avoir pour eux une allégeance et un amour et de faire leur éloge d'une manière particulière et de propager, de faire connaître leur mérite et de repousser toute personne qui essaierait de leur porter atteinte, hein, de porter atteinte à leur honneur et à leur da'wah, et de lui donner la nasiha. Donner la nasiha à toute personne qui pense du mal d'eux, ou qui pense d'eux du contraire de ce qu'on a mentionné. Et fais de cette voie ta voie que tu suis, parce que c'est le droit chemin, qui est en accord avec le Coran et la Sunna et les règles de la Sharia, ainsi que ses fondements. Puis, prends garde, ô mon frère, d'écouter, hein, aux gens, d'écouter les gens qui les attaquent et qui les insultent, hein, et qui les critiquent. Et si tu les entends, eh bien, ne les laisse pas dire ça sans que tu les réfutes et sans que tu aies donné à ceux qui s'opposent à eux la nasiha et que tu leur aies, et sans leur avoir clarifié le niveau et le statut élevé que ces savants-là possèdent. Et ne te laisse pas tromper par le fait que la plupart des gens manquent à ce devoir qu'ils ont, hein, de respect envers ces grands ulama qui fait partie des droits les plus certains et les plus confirmés par la charia que les musulmans peuvent avoir. Et c'est par ces droits-là, bien entendu, c'est par le respect de ces droits-là que le musulman pourra atteindre le bien et la récompense, et qu'il pourra obtenir tous les biens et les bonnes choses de cette qu'il pourra obtenir et arriver à tout ce qui est bien. Et ça, c'est une obligation qui est pour tous les musulmans, que ce soit le musulman du commun ou bien le musulman parmi les ulama. Et donc ça, c'est la fin de la citation du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans cette parole qu'il a dit à propos des ulama du Najd. Et c'est pour répondre à ceux en même temps qui critiquent les ulama du Najd et ceux qui ont été les élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qui ont suivi sa da'wah après lui et qui essaient de le critiquer ou de l'accuser. Donc ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir envers eux et qu'on doit avoir envers les ulama, envers le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui ont propagé sa da'wah par la suite, qui est la da'wah salafiyya, la da'wah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ensuite, le Cheikh dit « Wa ta'wilu al-jahilin fi inhirafin akhar mudad » Donc les fausses interprétations de la part des ignorants qui sont dans une déviation qui est opposée et contraire à celle des autres groupes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Le Cheikh dit « Ka'adat al-ahl al-inhiraf an al-manhaj al-wasat alladhi yaqumu ala fahm al-salaf al-salih fi kulli asrin إذا ظهر انحراف في جهة الإفراط ظهر نقيضه من أهل التفريط فحينما ظهرت الخوارج ظهر في مقابل بدعتهم بدعة المرجئة وحينما ظهرت القدرية قابلهم الجبرية وتكرر السورة وما أشبه الليلة بالبارحة فنتيجة لما حصل من أهل الغلو والجفاء من فهم خاطئ ومنحرف عن منهج السلف في عقيدة الولاء والبراء ظهر بعد المنحرفين الذين يطعنون في عقيدة الولاء والبراء المستمد من الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة فتجاهلوا عن عمد وتلبيس أن عقيدة الولاء والبراء صحيحة بريئة من تصرف الخوارج المارقين وأشباههم ولكن هؤلاء يستغلون الأحداث كالعادة للطعن في منهج العقيدة والدعوة التي قامت عليها هذه البلاد حتى تعدى أمرهم إلى المطالبة بإزالة كل الفوارق التي بين المسلمين والكافرين وربما أوجدوا شبها مبنيا على أدلة مشتبهة كأهل الأهواء والغلو فكان حالهم كما وصف الشيخ الإسلام رحمه الله حين قال. Donc on va traduire cette partie. Ça c'est l'introduction numéro 3. Le Cheikh explique l'autre extrême. On a parlé de l'extrême des Khawarij qui ont dévié dans leur compréhension de al-wala wal-bara, qui sont tombés dans l'extrémisme à ce sujet-là. Et là maintenant on mentionne quelque chose au sujet de l'autre extrême, de ceux qui ont complètement nié, hein, et rejeté même le principe de al-wala wal-bara, hein, et qui parfois opposent al-wala wal-bara et imposent aux musulmans le contraire de ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. Donc il dit c'est quelque chose qui est habituel de la part des gens de la déviation, ceux qui ont dévié de la voie du juste milieu, yani la voie du juste milieu qui est établie sur la compréhension des salafs salih. Donc à chaque époque, lorsqu'on a vu apparaître une déviation, yani que ce soit une déviation qui apparaît du point de vue de l'exagération et de l'extrémisme, eh bien on voit apparaître une autre déviation du sens inverse et de l'opposé, hein, et du sens contraire à cette déviation là, à cette première déviation là qu'on a mentionnée. Donc lorsque sont apparus par exemple les Khawarij, on a vu apparaître ceux qui viennent à l'opposé de cette bid'ah, qui est la bid'ah des Murji'ah. Donc les Khawarij sont arrivés et ils ont déclaré kuffar tous les musulmans qui font des grands péchés, hein? Donc ça c'est un extrême. Et à l'autre extrême de ceux-là sont apparus ceux qui disent, hein, comme les Murji'ah, qui disent que non, peu importe les péchés que tu fais, du moment que tu es devenu musulman, tu as dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'y a rien qui peut faire diminuer ta foi, et il n'y a rien qui peut te faire sortir non plus de la foi du moment que tu es rentré. Et donc ça c'est l'autre extrême de cette bid'ah. Et donc c'est toujours comme ça. Quand il y a une bid'ah qui apparaît dans l'extrême, eh bien il y a une autre bid'ah qui apparaît dans le sens opposé, qui est le contraire de cette bid'ah, et qui est l'exagération dans le laxisme, hein. Et donc on a un autre exemple que le cheikh mentionne ici, c'est l'exemple des qadariyas. Les qadariyas sont ceux qui nient la prédestination. Eh bien, on a vu apparaître en opposition à cette première déviation dans la croyance en al-qadar, on voit apparaître ceux qui ont dévié dans le sens contraire. C'est-à-dire que eux, au lieu de nier al-qadar, eh bien, ils sont tombés dans le contraire de la bid'a des qadariyya qui nient al-qadar, ils sont tombés dans l'exagération, dans l'affirmation du qadar. Hein? Parce que les qadariyya disent que, yani, il n'y a pas de prédestination, hein? Il n'y a pas de prédestination du tout. Et eux, les Jabriyas, c'est le contraire. Ils disent non, l'être humain, il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité de rien, c'est-à-dire il est comme une plume qui se laisse pousser par le vent, il n'a aucune liberté, aucun choix, hein? Aucun libre arbitre. Donc ça c'est l'opposé des Qadariyas. Et donc à chaque fois on voit cette choses-là se répéter à travers l'histoire. Lorsque des bid'ah apparaissent, quelqu'un amène une bid'ah qui fait tomber dans un extrême, et on voit que cette mauvaise compréhension qu'ils ont eue, qui les ont amenés à cet extrême, eh bien, elle fait qu'il y a une autre bid'ah qui apparaît, qui va dans l'autre sens. Hein? Et donc, ça c'est le résultat des gens de l'exagération et du laxisme, qui ont une mauvaise compréhension, une compréhension qui est déviée et déformée du manhaj des salaf salih. Dans la aqidah, par exemple, on a vu la même chose apparaître à propos de al-wala wal-bara. Hein? Puisque lorsque des gens sont arrivés avec l'exagération dans al-wala wal-bara, hein, et qui ont commencé à dire que tout musulman qui avait des interactions avec des kuffars, peu importe quelle interaction, que ça devient des koufars, parce qu'ils ont pris pour allier les koufars, etc. Donc ça c'est une exagération, un extrémisme dans la compréhension de al-wala wal-bara. Et bien on a vu l'autre extrême qui est apparu. C'est des gens qui rejettent complètement la compréhension de al-wala wal-bara telle qu'elle est comprise par le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs de cette umma. Hein? Donc ils ont complètement ignoré volontairement ou bien pour juste par ruse la aqidah de al-wala wal-bara, qui est celle qui est correcte, qui est comprise selon les principes et les règles du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs, hein, qui est exempte d'extrémisme, hein. Et bien ils ont fait semblant que ils n'étaient pas, qui ne connaissaient pas al-wala wal-bara, qui étaient en accord avec le Coran et la Sunna, et que tout ce qui existe, c'était comme, ils ont agi comme si tout ce qui existait c'était la déviation qui était ramenée par les Khawarij au sujet de al-wala wal-bara, hein? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'extrémisme des Khawarij au sujet de Al-Wala wal-Bara. Ils ont utilisé ça comme moyen pour attaquer ce principe et ce fondement de l'aqidah. Hein? Et en particulier, donc, le principe et la méthodologie de l'aqidah et de la da'wah qui est connue et qui est établie et qui est un fondement en Arabie Saoudite. Et donc, ils sont même allés jusqu'à exiger de la part de l'Arabie Saoudite, par exemple, et du système d'éducation en Arabie Saoudite, d'éliminer et d'enlever toute distinction qui était faite dans les livres entre les musulmans et les koufars, dans les livres de religion. Hein? Et ils ont même essayé de supporter ça par des choubouhats, hein, des semblants de preuves qui sont ramenés par les gens de la passion ou les gens de l'extrémisme. Hein? Et donc, cette attitude qu'ils ont adoptée, elle a été décrite par le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 12 à la page 467. Cheikh Al-Islam, il a dit: وبإزائي هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يضمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يضمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا ولا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المخالفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوه فيها النزاع وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلتا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ explique ici une position des gens de bid'a qui à son époque existait et qui existe toujours aujourd'hui. Le cheikh explique, il dit que à l'opposé des gens qui font le takfir de façon erronée, de façon fausse, on a vu apparaître des gens qui ne connaissent pas la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah comme il faut. Ou bien, ils connaissent une partie de cette aqidah, mais ils ignorent le reste. C'est-à-dire, ils en connaissent juste une partie seulement. Ils ne connaissent pas la aqidah d'Ahl al-Sunnah au complet. Et il dit ensuite, et ceux qu'ils en connaissent, ils ne l'expliquent pas aux gens. Au contraire même, ils la cachent. Ou bien, ils n'interdisent pas les bid'ahs qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et ils ne blâment pas les gens de bid'ahs et ils ne les punissent pas. Même que certains d'entre eux blâment le fait de parler au sujet de la sunna et des fondements de la religion de façon générale. Et ils ne font pas la distinction, dans les questions de aqidah et des questions qui ont rapport avec les fondements de la religion. Ils ne font pas de distinction dans ces choses-là entre ce qui est prouvé par le Coran et la sunna et le consensus, et ce que disent les gens de bid'a et de division. Ou bien, ils acceptent tout le monde sur les voies divergentes sur lesquelles ils sont. Hein? Et ils acceptent ça. Ils acceptent les divisions et les divergences. Tous ces exemples que le cheikh Ibn Taymiyyah est en train de mentionner sont des exemples qui existent aujourd'hui, même chez certains groupes, parmi les groupes de bid'a et d'égarement à notre époque. Il dit ensuite, ou bien ils acceptent tous les groupes, toutes les voies divergentes, telles qu'elles sont. De la même manière que certains ulama acceptent les différentes divergences qui existent dans les questions d'ijtihad, sur les questions dans lesquelles il y a des divergences à cause d'une ijtihad. Hein? Et ça, cette voie-là, c'est une voie qu'on voit le plus souvent chez les Murji'a. C'est une attitude qu'on retrouve plus souvent chez les Murji'a. Et certains parmi les gens qui prétendent au fiqh et qui prétendent au tasawwuf, suivent le soufisme et la philosophie. Ça, c'est des gens chez qui on voit apparaître ces tendances, les tendances d'agir de cette manière-là par rapport à l'aqidah. Hein? On voit ça chez les murji'a, chez les gens qui prétendent au fiqh, qui prétendent au soufisme et qui prétendent à la philosophie. Hein? De la même manière qu'on voit également la première attitude chez beaucoup d'entre les gens de la passion et des gens de du kalam, hein, des gens qui ont des paroles d'innovation et qui utilisent les bid'a des gens de kalam. Et ces deux voies-là sont des voies qui sont déviées et qui sont en dehors du Coran et de la Sunna. Donc ça, cette parole-là, vraiment, c'est une parole qui démontre et qui clarifie beaucoup de choses par rapport à l'attitude des gens de bid'a à cette époque-là et même encore aujourd'hui. C'est tiré donc, comme j'ai dit, du volume 12 à la page 467 de Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc il dit, à l'opposition de gens qui font le takfir sans preuve, hein, comme les Khawarij, il y a d'autres personnes, ils ne connaissent pas la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a comme il faut. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui, comme les Ikhwan, les Tabligh et d'autres groupes de bid'a parmi les partis et les différents groupes de bid'a et de hizbiyya. Ils ne connaissent pas la aqidah d'Ahl-Sunnah comme il faut. Même que certains d'entre eux vont penser que la voie d'Ahl-Sunnah ou la aqidah d'Ahl-Sunnah, ils pensent que c'est la aqidah des Asha'ira et des Maturidiyya. Et ils pensent que ce sont eux qui sont Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc ils ne connaissent pas Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Hein? Et ou bien ils savent une partie de cette aqidah d'Ahl-Sunnah, mais ils ignorent d'autres, le reste de cette aqidah. Donc ils en connaissent juste une partie seulement. Ils ne connaissent pas la aqidah d'Ahl-Sunnah au complet. Comme c'est le cas de beaucoup d'entre eux, certains des hizbines aujourd'hui, qui sont en accord avec certains aspects d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, mais qui dans d'autres points, eh bien, ils rejettent la voie d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve chez les soufiyines ou bien chez certains parmi les sururiyas et les qutbiyines qui acceptent certains aspects d'Ahl-Sunnah mais qui par exemple en ce qui concerne l'attitude envers les dirigeants et là ils ignorent la aqidah d'Ahl-Sunnah ou bien ils font semblant de l'ignorer et également par rapport à l'attitude envers les gens de bid'a ils n'ont pas l'attitude des salafs hein, et le comportement des salafs. Et ceux qu'ils connaissent de la aqidah d'Ahl-Sunnah, ils ne l'expliquent pas aux gens. Même qu'ils le cachent. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a remarqué de la part des gens de Hizbiyya et de Bid'a à notre époque aujourd'hui. Quand ils savent quelque chose par rapport à la aqidah d'Ahl-Sunnah, par rapport à quelque chose, ils le cachent aux gens. Comme, par exemple, chez les Hizbiyyin, envers les dirigeants, ils cachent la aqidah d'Ahl-Sunnah. Comment on doit agir envers les dirigeants injustes? Hein? Et l'interdiction de se révolter contre eux, ou ainsi de suite. Et la même chose par rapport à qu'est-ce qu'on voit de la part des soufis, et qu'ils cachent par exemple les aspects qui doivent être appliqués par rapport à al-wala ou al-bara, et ils cachent les éléments qui ont rapport à ces choses-là. Et ils n'interdisent pas par exemple les bid'a qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et ils ne blâment pas les gens de bid'a, et ils ne les condamnent pas, ils ne les punissent pas. Pour eux, la bid'a, c'est normal, c'est pas interdit. Hein? Même qu'ils blâment le fait de mentionner quelque chose qui a rapport avec les fondements de la sunna ou bien les fondements de la religion de façon générale. Donc ils n'aiment pas quand on parle de la aqidah et quand on parle du tawhid et quand on parle de la sunna. Ça les dérange. Et ça, c'est ce qu'on remarque de la part des hizbiyyin aujourd'hui, la même chose. Hein? Et ils ne font pas de distinction entre les questions des fondements de la religion qui sont prouvés par le Coran et la Sunna et l'Ijma, le consensus, et ce que disent les gens de bid'a et de division. Ils mettent tout au même niveau. Ils ne vont pas distinguer entre ce qui est établi par les preuves du Coran et de la Sunna et du consensus et de ce qui est ramené par les gens de bid'a. Ils ne font pas de différence entre les deux. Ils mettent tout le faux et le vrai à égalité. Et ils disent أو يقرون الجميع على مذاهبهم. Ils acceptent tout le monde selon leurs divergences. على مذاهبهم المختلفة. Donc ils acceptent tout le monde, peu importe leurs divergences et leurs égarements et les choses qu'ils ont qui sont contradictoires les unes les autres. Et ils prennent tout ça comme étant des divergences dans les jtihad, dans les mazahib, comme si c'était des divergences des jtihad dans les questions de fiqh ou des choses comme ça. Hein? Et ça, on le remarque de la part des jeunes bid'a aujourd'hui, ils utilisent ces ruses-là aussi. Et ça, c'est ce qu'on a vu apparaître chez ces gens-là, chez les murji'a, les mutafaqqiha, les mutasawwifa, les mutafalsifa, et ainsi de suite. Comme le cheikh l'a décrit tel quel. Ensuite, le cheikh dit وَلَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا الشَّيْخ صَالِحَ الْفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللَّهِ يَحْكِي حَالَ هَؤُلَاءِ فِي مَقَالٍ كَتَبَهُ أَثْنَاءَ ظُهُورِهِمْ بِقُوَّةٍ بِعُنْوَانٍ سَيَظْهَرُ الْإِسْلَامُ وَسَتَمُوتُ الْمَبَادِئُ الْهَدَّامَةُ نُشِرَ فِي صَحِيفَةِ الْجَزِيرَةِ بِتَارِيخِ سنة 1425 من الشهر الأول اليوم 16 حين قال وقد سنحت الفرصة للمنافقين والذين في قلوبهم مرض بترديد مقالة الكفار باتهام الإسلام بالتطرف والإرهاب واتهام مصادره وعلمائه بذلك والمنادات بحرية المرأة ومساواتها بالرجل وخلعها للحجاب وتوليها أعمال الرجال ومناداتهم بإزالة الفوارق التي بين المسلمين والكفار باسم حرية الرأي وحرية الديانة وهدم كره الآخر وترك باب الولاء والبراء وحذفه من الكتب والمقررات الدراسية وعدم تكفير من كفره الله ورسوله ولو ارتكب نواقض الإسلام كلها كل ذلك تحت مبدأ التسامح وحرية الرأي وقبول رأي الآخر وكل من خالف هذه المبادئ الخبيثة عندهم والتزم بالإسلام وأصوله وأحكامه فهو متشدد ومتطرف وتكفيري. نعم. Donc on va traduire cette partie-là. Donc le cheikh, il dit que notre cheikh, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, il a décrit l'état de ces gens-là dans un article qu'il a écrit lorsque ces gens-là sont apparus avec force en Arabie Saoudite, dans un article qui s'intitulait « L'islam va avoir le dessus et ses principes destructeurs vont mourir ». Et ces principes destructeurs vont mourir. Quand il parle des principes destructeurs, c'est-à-dire toutes les idéologies et les principes qui viennent de l'Occident ou de l'Orient, qui sont basés sur le kufr et le shirk, qui sont propagés aujourd'hui dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi, tous ces principes-là, on les appelle al-mabadi al-haddama. Donc les fondements et les principes destructeurs qui viennent pour détruire l'islam. Comme la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, en particulier les droits de l'homme qui viennent en opposition avec les règles de la charia, ou bien également le socialisme ou le communisme, et toutes ces autres idéologies qui ont été inventées par les hommes en Occident ou en Orient dans les siècles derniers ou dans le passé, tous ces principes-là sont des principes destructeurs. Et ces principes destructeurs-là vont être détruits eux-mêmes et vont mourir. Et c'est l'islam qui va avoir le dessus. Hein? Donc ces principes-là vont être morts. L'islam existait avant ces principes et après ces principes, l'islam va continuer à exister. Ces principes-là vont mourir. Hein? Donc le cheikh, il a écrit un article donc dans le journal qui a été publié dans le journal Al Jazeera, Sahifat Al Jazeera. Et la date de la parution de cet article, c'était le 16 du premier mois de l'année 1425 de la Hijra. Et il a dit donc dans cet article, l'opportunité a été donnée aux munafiqin ceux qui ont des maladies dans leur cœur, de répéter la parole des koufars qui accusent l'islam d'extrémisme et de terrorisme, et qui accusent les fondements et les références de cette religion, de même que les ulama de cette religion, d'extrémisme et d'intégrisme et de terrorisme et toutes ces choses-là. Donc, et ils ont appelé, ces hypocrites ont appelé à la libération, à l'émancipation de la femme. Et ils ont appelé à l'égalité entre l'homme et la femme. Et à dire que l'homme est égal à la femme. Et ces hypocrites ont même appelé également à ce que la femme enlève son hijab. Et ils l'ont appelé également à faire les mêmes travaux que les travaux des hommes. Et on les a appelés également, et on les a vus appeler également, ces hypocrites, à éliminer toutes les distinctions et les différences qui existent entre les musulmans et les koufars au nom de la liberté d'opinion et de la liberté de religion. Et au nom de ne pas contraindre l'autre. Et ils ont appelé même à abandonner le chapitre de Al-Wala wal-Bara, de l'alliance et du désaveu, et de l'éliminer complètement des livres et des livres qui existent, donc des livres qui ont été écrits également du programme d'enseignement, des programmes d'enseignement dans les écoles. Donc ils ont appelé les musulmans de l'Arabie Saoudite à éliminer ça complètement des livres et de ne pas faire le takfir de celui que Allah a déclaré kafir, de celui que le messager sallallahu alayhi wa sallam a déclaré kafir, même s'il a commis un des actes qui annule l'islam, ou même s'il a commis tous les annulatifs de l'islam au complet, qu'on n'a pas le droit, ils ont appelé à dire qu'on n'a pas le droit de le déclarer kafir, celui que Allah et son messager ont déclaré comme tel. Tout ça sous le principe de la tolérance et de la liberté d'opinion, et sous le principe de dire qu'il faut accepter l'opinion de l'autre. Et que toute personne qui contredit les fondements sales et corrompus qui sont ramenés de leur part, qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam, et qui préfère s'attacher à l'islam et à ses fondements et à ses règles, alors ils disent de lui que c'est un extrémiste et un intégriste, ou bien un takfiri, que c'est quelqu'un qui fait le takfir ou des choses de ce genre. Donc ils mélangent, et ils veulent essayer de faire en sorte que les musulmans qui s'accrochent aux fondements et aux principes et aux règles de l'islam soient marginalisés et qu'on les traite d'intégristes ou d'extrémistes ou de fondamentalistes ou de takfiriens ou des choses de ce genre. حتى الشيخ يقول ensuite حتى تناولوا بهذه الاتهامات أئمة الإسلام ومجدديه كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حتى نادى بعضهم بإعادة النظر في كتب العقيدة وإخلائها من كل ما يتعارض مع مبادئهم ورغباتهم ونقول لهؤلاء وهؤلاء ما قاله الله لهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وسيبقى الإسلام وتموت المبادئ الهدامة وأهلها سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il termine en disant qu'ils ont même essayé d'atteindre par ces accusations Cheikh l'Islam, les imams de l'Islam et les réformateurs de l'Islam, comme Cheikh l'Islam Muhammad ibn Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et certains ont même appelé à faire des révisions des livres de Aqida pour éliminer de tous les livres de Aqida tout ce qui est en opposition avec leurs principes et leurs désirs. Et le Cheikh Al-Fawzan a dit, et nous disons à ceux-là et à ceux-là ce que Allah leur a dit dans le Coran, dans le verset 119, dans Surat Al-Imran, dit, mourez de votre rage. Certes, Allah connaît ce qu'il y a dans vos poitrines. Et le Cheikh il dit, et l'islam va demeurer. Et les principes destructeurs, ainsi que les gens qui supportent ces principes destructeurs-là vont mourir. Et ça c'est la règle d'Allah pour ceux qui sont morts auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 62 dans Surat Al-Ahzab. Et ça c'est la fin donc de cette citation des paroles du Cheikh Al-Fawzan, qui clarifie donc l'attitude de qu'est-ce qui a été fait de la part de certains hypocrites là-bas en Arabie Saoudite après le 11 septembre. Il y a eu cette pression-là qui a été faite de la part des koufars et de la part des munafiqines pour essayer d'éliminer les principes et les fondements de Al-Wala wal-Bara, des livres d'enseignement et d'éducation, et également même, subhanallah, des livres de Aqidah. Et le Cheikh, il leur a dit même dans une autre parole, dans un autre texte aussi, il a dit, mais dans ce cas-là, est-ce que vous allez effacer les versets du Coran? Dans ce cas-là, est-ce que vous allez effacer les versets du Coran et les hadiths de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim et des Sunan qui supportent et qui confirment les principes de Al-Wala wal-Bara? Hein? Est-ce que vous allez enlever les versets dans le Coran qui ne font pas votre affaire et qui sont contraires à vos désirs et à votre passion? Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, même s'ils enlevaient tous les livres d'Aqidah et effaçaient tous les passages où on parle de Al-Wala wal-Bara dedans, est-ce qu'ils vont effacer qu'est-ce qui est dans le Coran? Est-ce qu'ils vont effacer qu'est-ce qui est dans la Sunna? Ils ne peuvent pas. Et donc, c'est pour ça. Le Cheikh, il a dit, mourrez de votre rage. Hein? Allah sait qu'est-ce qu'il y a dans ce qui est dans les poitrines et de ce qui est dans les cœurs. Et donc, le Cheikh, il termine donc ce passage, ce chapitre, ce point dans l'introduction en disant Inna da'watana wa manahijana wa ulama'ana bura'a'un min hadha al-fahm al-fasid lil-wala'i wal-bara min qibali ahli al-ghuluwi wa al-tashaddud kama annana la nuhibbu al-kuffar wa nabra'u ila Allah min aqa'idihim wa adhyanihim ونعلن ذلك جهارا نهارا فلا يعني ذلك أن نظلمهم أو نغضر بهم أو لا نفي بعهودهم بل الشريعة جاءت بمنهج وسط عدل في التعامل معهم يجتمع فيه البغض لهم ولدينهم مع الإحسان إليهم والقيام بحقهم الذي أوجبه الله من حفظ العهد والأمان وغير ذلك مما ستراه مفصلا في هذا الكتاب. Donc le Cheikh il explique, il dit notre da'wa, notre manhaj et nos ulama sont innocents de cette compréhension corrompue de al-wala wal-bara de la part des gens de l'exagération et de l'extrémisme. De la même manière que nous n'aimons pas les koufars et nous nous désavouons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous désavouons de leur croyance et de leur religion et nous déclarons cela ouvertement, hein, en plein jour. Et cela ne veut pas dire que nous leur faisons de l'injustice ou que nous allons trahir notre parole qu'on a avec eux ou notre engagement qu'on a envers eux. Non, ou qu'on ne va pas respecter nos engagements et nos pactes qu'on a envers eux. Non, la charia est venue avec un manhaj, avec une méthodologie qui est intermédiaire, qui est juste, qui est dans le juste milieu et qui est juste dans la façon dont on doit interagir avec eux, c'est-à-dire avec les koufars. Et dans cette voie et dans ce chemin de justice, dans cette voie du juste milieu, on réunit entre la haine pour eux et pour leur religion, de même que, et avec également le bon comportement envers eux et le respect de leurs droits qu'ils ont sur nous, que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de respecter, comme le pacte, l'engagement et les ententes, hein, et tout ça on va le voir en détail dans ce livre, dans qu'est-ce qui va suivre, inshallah. Donc c'est pour dire que les gens de les kuffars, parmi les juifs, parmi les chrétiens, les laïcs et les démocrates, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'exemple des takfiriyin et des khawarij et des qutbiyin et des sururiyya, tous ces gens-là qui sont tombés dans l'extrémisme au sujet de al-wala wal-bara. Donc ces gens-là, ils regardent le comportement de ceux-là qui ont exagéré et qui ont dévié dans la question de al-wala wal-bara. Et ils utilisent leur exagération et leur extrémisme comme justification pour attaquer et critiquer l'islam et les ulama de l'islam et al-wala wal-bara. Alors, les ulama de Ahl-Sunnah, ils ont répondu à ces accusations-là. Et ils ont dit, nous, on n'est pas des khawarij. Et on n'est pas des gens de l'extrémisme qui ont exagéré dans ces questions-là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans l'autre extrême des soufiyin et des murji'ah et des gens de bid'ah qui disent non, il faut aimer les kuffars, il faut aimer les juifs, il faut aimer la religion des juifs et la religion des chrétiens et la religion, il faut aimer toutes les croyances et accepter la liberté de croyance et la liberté de religion et l'égalité entre l'homme et la femme et toutes les autres faussetés. Et puis par la suite, qui traitent les musulmans salafiyin d'extrémisme. Hein, ceux qui sont dans le juste milieu, ils les traitent d'extrémistes parce que eux se tiennent sur la voie du juste milieu, qui est d'établir la réalité sur les questions qui ont rapport avec ces choses-là, de détester qu'est-ce que Allah déteste et d'aimer ce que Allah aime, et de déclarer la haine qu'on a envers le kufr et le shirk et les gens qui suivent le kufr et le shirk. Et tout de même que ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'injustice à ces gens-là ou qu'on va trahir nos paroles et nos engagements et nos pactes, et qu'on ne va pas respecter les ententes et les engagements qu'on a envers eux. Non, bien au contraire. On les déteste et on déteste leur religion, mais en même temps on respecte notre parole et nos engagements, et en même temps on agit de façon juste avec eux, comme Allah nous l'ordonne. Hein? Donc ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir par rapport à ces questions-là. Et c'est pas de rentrer dans le jeu de ces koufars pour commencer à nier ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna, ou d'affirmer ce qui est nié. Non, c'est de rester dans le juste milieu, d'affirmer ce qui est affirmé, de nier ce qui est nié dans la révélation, et de mettre les choses à leur juste milieu, à leur juste place. Donc on vient de conclure par là le troisième point dans cette introduction. Maintenant, on rentre dans le quatrième point de cette introduction, qui est le dernier des quatre points qui sont mentionnés dans l'introduction de ce livre, avant de rentrer dans le cœur du sujet lui-même. Et c'est à propos des imams de la da'wah et des prétentions de takfir. À propos des imams de la da'wah salafiyya, du Najd, de la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ceux qui l'ont suivi par la suite, et de la prétention du takfir, que certains parmi les gens de bid'ah et les gens parmi les ignorants ont accusé le cheikh de faire le takfir des musulmans. Et le cheikh a répondu à ces shubuhat et à beaucoup d'autres également parmi les grands ulama, élèves du cheikh, qui ont répondu à ces accusations-là et qui ont clarifié la réalité à ce sujet-là. On va lire plusieurs points à ce sujet, inshallah. Ce point numéro 4, il est divisé en plusieurs questions. La première question, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui l'ont suivi ont fait en sorte que cette obligation soit tombé du reste de la Oumma, parce qu'ils ont établi cette obligation-là, l'obligation d'établir la purification et la da'wa et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et ainsi de suite. Et donc, à cause de eux, ce n'est plus une obligation pour le reste de la Oumma. Le deuxième point, c'est que le cheikh lui-même et ceux qui ont supporté sa da'wa après lui sont innocents du takfir et du combat à la méthode des khawarij. Donc c'est très important de faire la différence entre la da'wa et le jihad et ces questions-là selon la compréhension de Ahlus Sunnah wal Jama'ah et selon la compréhension des khawarij. Aujourd'hui, maintenant, dans les médias et chez les kuffars et chez même certains groupes de bid'ah parmi les soufiyins et autres, c'est ça ce qu'ils essaient de faire croire aux gens. Ils essaient de faire croire aux gens qu'il n'y a plus de différence entre la voie des khawarij et la voie des salafiyins d'Ahlus Sunnah. Maintenant, vous allez remarquer que toute personne, maintenant, dans les médias, qui font des manifestations ou font des actes qui sont des actes de violence ou des choses comme ça, ou même des manifestations dans les rues pour manifester pour par exemple contre le film du prophète Muhammad qui a été fait pour insulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui font des actes de ce genre, on les appelle salafis dans les médias. Alors que on sait très bien que les salafis sont ceux qui condamnent ces choses-là. Donc, on condamne ceux qui agissent de cette manière-là parmi les musulmans qui font des manifestations et des choses de ce genre. Tout ça, les ulama ont été les premiers à dénoncer ces actes de terrorisme qui ont été faits ou ces actes de violence qui ont été faits de la part de certains et à expliquer aux musulmans comment ils doivent agir vis-à-vis de ces films et de ces atteintes à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien des insultes qui ont été faites contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appelé les musulmans à ne pas réagir de façon violente et à ne pas faire de manifestations. Hein? Donc, comment vous pouvez par la suite appeler ceux qui font ces choses-là de salafistes, hein? Alors qu'ils opposent tout ce que les ulama salafiyins ont ordonné ou ont enseigné et expliqué par rapport à l'attitude qu'on doit avoir envers ces choses-là. Donc, c'est la preuve que qu'est-ce qui se passe maintenant dans les médias aujourd'hui, ça fait partie ou ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle la désinformation. Le but de faire paraître les salafis comme des gens mauvais ou d'accuser les salafis des choses dont ils sont innocents. Hein? Et donc, pour savoir exactement pour ces journalistes-là qu'est-ce que c'est un salafi, ça c'est les deux points qu'il faut leur poser, les deux questions qu'il faut leur demander. Si jamais ils nous parlent des salafis ou nous demandent des choses au sujet des salafis, deux choses très importantes. Premièrement, qu'est-ce que c'est un salafi pour vous? Parce que c'est clair qu'ils ignorent totalement qu'est-ce que c'est la réalité de qu'est-ce que c'est un salafi. Et deuxièmement, sur quoi vous vous basez? C'est quoi vos références pour définir ou pour dire que qu'est-ce que est un salafi et qu'est-ce qui n'est pas un salafi? Donc, si on connaît leurs références, si on sait c'est quoi leurs preuves, est-ce que c'est le Coran et la Sunna? Hein? Bien sûr que non. Donc, c'est quoi leurs références? Est-ce que c'est les écrits de leurs spécialistes ou de leurs islamologues ou de leurs orientalistes? Si on veut savoir c'est quoi vos références pour qu'on puisse analyser justement d'où ces soi-disant spécialistes-là ont pris leurs informations. Parce qu'il y a clairement une erreur quelque part. Hein? Puis que par la suite, là, on est capable de leur répondre et de leur dire que vous êtes en train d'accuser des innocents, que vous êtes en train de salir l'image de la da'wa de ceux qui supportent l'islam à notre époque. Et bien entendu, comme on le sait, souvent c'est fait intentionnellement. C'est fait intentionnellement dans le but justement de donner une mauvaise image à cette da'wa et à salir l'islam. Hein? À salir l'islam. Parce qu'on les entend depuis plusieurs années, ils le répètent tout le temps. Ils disent, on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans. Qu'est-ce qu'on en a contre? On a contre seulement ceux qui sont des islamistes, ou ceux qui sont des intégristes, ou ceux qui sont des fondamentalistes, ou ceux qui sont des... Hein, ils ramènent toutes sortes de noms comme ça pour distinguer entre le musulman qu'ils acceptent et le musulman qu'ils n'acceptent pas. Mais on remarque une chose parmi tous ces nouveaux termes qu'ils inventent au sujet de ceux qu'ils n'acceptent pas ou qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne le définissent jamais comme il faut ou correctement. Et donc, l'exemple qu'on a retrouvé par exemple, de la part de certains, c'est que l'exemple de ceux qu'ils appellent des islamistes ou des choses de ce genre, c'est ceux soi-disant qui veulent faire de l'islam un islam politique, sans expliquer ou détailler qu'est-ce que ça veut dire un islam politique. Ou il y en a d'autres qui vont dire comme par exemple une Algérienne ici à Montréal, sa mère est grecque, son père est algérien, elle a grandi en Algérie, Jamila Ben Habib. Elle s'était même présentée aux dernières élections. Quand elle s'est présentée dans des émissions de télé au Québec pour parler de ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, l'islam qui est l'islam ordinaire, c'est l'islam de ma grand-mère. Hein, l'islam de ma grand-mère, c'est un islam normal, un islam de paix, un islam d'amour, un islam de je ne sais pas quoi. Tandis que elle, qu'est-ce qu'elle était contre? C'est l'islam politique. Et là, encore là, c'est, si c'est sur ça que quelqu'un va se baser pour distinguer entre qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect par rapport à l'islam, comme si on va prendre nos grands-parents comme des références dans la religion d'Allah pour déterminer qu'est-ce qui est l'islam et qu'est-ce qui n'est pas l'islam, moi je dis à cette femme, non, ça c'est pas la bonne référence. Hein, que ce soit Jamila Ben Habib ou n'importe quel autre, c'est la même chose. Que ce soit Fatima Houda Pépin ou n'importe quel autre parmi ces femmes maghrébines que les koufars mettent dans les médias en première ligne pour essayer de montrer que ce sont des femmes qui sont soi-disant courageuses. Courageuses de quoi? Courageuses de dire ce que tous les koufars disent ou ce que tous les koufars pensent? Non. Pour qu'elles soient vraiment courageuses, ces femmes-là, il faudrait qu'elles viennent à la télé et dire ce que tout le monde ne veut pas entendre parmi les koufars. C'est-à-dire de dire la vérité à propos de l'islam. Mais d'aller à la télé devant tous les koufars et dire aux koufars ce que les koufars pensent, ce qu'ils veulent entendre, il n'y a aucun courage là-dedans. Et ça demande aucun courage de le faire. Hein? Non, le courage c'est plutôt d'aller à la télévision, dans la radio, et de dire aux koufars la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam. Hein? Et de qu'est-ce qui déplaît à ces koufars, de qu'est-ce que Allah a ordonné ou enseigné, et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou enseigné dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ça c'est juste en passant. Mais nous on dit à cette femme, nos références par rapport à l'islam, c'est le Coran, premièrement, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite la Sunna, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ne parle pas selon la passion, et ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Et ensuite, le consensus de la Ummah. Et ça, c'est la troisième référence, hein, qui est le consensus des salafs et le consensus des ulama de la Ummah. Ça, c'est qu'est-ce qui va nous faire distinguer, hein, c'est qu'est-ce qui nous aide à comprendre et à distinguer entre qu'est-ce qui est l'islam et qu'est-ce qui n'est pas l'islam. Peu importe qui ou quoi. Ou quelle personne va dire quoi que ce soit au sujet de la religion d'Allah, que ce soit un islamiste, que ce soit un politicien, que ce soit un philosophe, que ce soit un... peu importe qui il est, même un savant ou un dirigeant ou n'importe qui parle au nom de l'islam, tout ce qu'il dit va se mettre dans la balance de ces trois choses-là. Et si c'est en accord, on l'accepte, et si c'est en contradiction, on le rejette. Peu importe que ce soit... hein, d'une personne qui est vieille ou jeune, que ce soit, du moment que la personne, qu'est-ce qu'elle dit, c'est que la personne qui parle de l'islam, c'est un savant qui est supporté par qu'est-ce qui supporte ses dires par qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et par l'ijma des salafs et également la compréhension des salafs. Donc quand il parle sur ces fondements-là, on dit ça, c'est qu'est-ce qu'on doit suivre. Mais si quelqu'un nous ramène les exemples de qu'est-ce que sa grand-mère a dit, qu'est-ce que son grand-père a fait, ou sa grand-mère, et que ses grands-parents n'étaient pas des savants, n'ont pas étudié la religion de l'islam avec les savants de l'islam, et qu'ils ont fait des choses, parfois c'est des superstitions, parfois c'est des choses qui ont été inventées, parfois c'est des gens qui savaient ni lire ni écrire, qui n'ont jamais rien compris de l'islam, ni même compris le Coran et la Sunna, ils ont vécu selon qu'est-ce qu'ils ont pensé, selon leurs idées personnelles, non pas selon l'islam. Donc on ne peut pas prendre ça comme étant des références pour savoir qu'est-ce que c'est la religion d'Allah. Hein, c'est comme la plupart des gens aujourd'hui qui sont dans les pays européens ou les pays occidentaux, qui se disent qui se disent catholiques ou chrétiens, la plupart d'entre eux, ils savent pas réellement qu'est-ce qui est enseigné dans, par exemple, le Concile du Vatican II. Et qu'est-ce qui était écrit comme, ou reconnu comme dogme officiel de l'Église catholique. Donc ils vont dire des choses qui sont en accord avec la religion catholique, et d'autres qui vont dire des choses qui sont en contradiction, et puis, c'est pas ça qui va être la référence pour un catholique pour savoir qu'est-ce que c'est la religion catholique. Hein? Qui est une religion de shirk, une religion de mensonge et de fausseté, à la base. Hein? Comme le judaïsme, la même chose. Tu vas rencontrer un juif au coin de la rue, il va te raconter des choses sur le judaïsme et sur qu'est-ce que dit le judaïsme. Est-ce que c'est lui que tu vas prendre comme référence pour savoir si c'est ça le judaïsme ou non? Ou bien tu vas aller retourner parler avec un rabbin quelconque ou une autorité quelconque dans le judaïsme? Hein? Tu retournes à des gens qui ont une base, qui ont une référence. Tu vas pas retourner à n'importe quel ignorant dans la rue ou un individu comme du commun des gens pour parler de la religion de l'islam. Donc c'est la même chose, que ce soit cette femme Jamila Ben Hadib qui a jamais étudié la religion d'Allah, qui a jamais étudié l'islam et qui prend ses grands-parents ignorants comme des références pour savoir qu'est-ce que c'est la différence entre qu'est-ce qui est vrai et faux dans l'islam, ou bien Fatima Ouda Pépin qui a peut-être appris l'islam quand elle était en maternelle, qui a étudié la religion, le Coran, quand elle était avant de rentrer au primaire, puis qu'elle a tout oublié qu'est-ce qu'elle avait appris de la religion. Maintenant, elle parle comme si elle avait connaissance de la religion de l'islam, et elle veut dire aux gens qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct dans ces choses-là. Ces gens-là, ils sont placés là par les koufars pour essayer de faire croire aux koufars qu'il y a des musulmans qui contestent l'islam parmi les musulmans. Et c'est pour faire croire aux koufars que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à propos de l'islam, c'est la vérité. Et qu'ils ont raison de critiquer l'islam. C'est juste ça qu'ils veulent. Et c'est ça ce qu'ils cherchent quand ils cherchent des Arabes ou des Maghrébins qui vont critiquer l'islam pour les mettre devant les gens pour dire aux autres koufars, regardez, même des Arabes critiquent l'islam. Même des gens qui sont nés dans les pays musulmans sont des gens qui critiquent l'islam, eux autres aussi. Donc vous êtes dans le vrai. Ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, ça se passe même dans les pays musulmans et même en Arabie Saoudite. Cette catégorie-là d'hypocrites qui est apparue dernièrement, qui appelle les musulmans là-bas même à rejeter des aspects de la aqida et des aspects des fondements de l'islam. Donc, c'est ça qui est mentionné. Donc, Allah al-Musta'an, ça, c'est des choses qu'on va clarifier. C'est très important. Vous voyez comment la question est très importante et comment c'est important de la comprendre comme il faut. Donc l'innocence du cheikh et de ses fidèles vis-à-vis de la question du takfir et de la voix des khawarij. La question numéro 3 et le point numéro 3, c'est étonnant de voir comment les takfirines à notre époque et les khawarij parfois vont aller jusqu'à accuser l'Arabie Saoudite de takfir et accuser la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et essayer d'utiliser ces références-là comme preuve pour supporter leur takfir, alors que leur vraie référence, qui est Sayyid Qutb et Hassan al-Banna et la tendance des frères musulmans, ils n'en disent aucun mot et ils ne les accusent même pas. Ils ne parlent même pas d'eux, alors que c'est eux qui sont réellement à l'origine de ça. Et que quand on lit les livres et les écrits du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie, on ne retrouve aucune ressemblance entre sa da'wah et la da'wah de ces gens-là. Ces deux da'wah qui sont complètement opposées dans ses fondements et dans ses applications. Donc pourquoi essayer de faire de l'injustice et d'accuser le Cheikh alors qu'il est innocent de ça? Le point numéro 3, bara'atu a'immat ad-da'wah min al-ghulat alladhina yahtajjuna bi ba'd itlaqatihim. Donc l'innocence des imams de la da'wa, de l'extrémisme de certains qui essayaient d'utiliser comme preuve certaines paroles générales de ces imams. Et là, il y a la citation de certains d'entre eux, c'est un lama de la da'wa qui parle de ce sujet-là. Puis ça, c'est la fin, donc le dernier point qui sera expliqué par rapport à cette quatrième introduction-là, ou ce quatrième point dans l'introduction. Donc, on va commencer ça au prochain cours, inshallah, pour clarifier ça comme il faut, bi-ibnillah.